Le vent claque la porte bien avant que tu viennes. Je cherche au fond de moi quelque chose qui me tienne. Mais le vent claque la porte. Il défait de nos draps la perfection subtile et le carreau résonne comme un tambour, mon cœur. Le vent souffle dehors, désert de médailleurs. En visitant ton ombre, je rencontre une odeur. Je rencontre une odeur. Cette brise m'emmène, peu à peu je m'éloigne, je ne tiens plus les rênes et ma passion témoigne. Le vent chante et m'emporte, nous parcourons les plaines, tu ris au fond de moi et mes larmes me viennent. Mais le vent claque la porte. Mais le vent claque la porte et je tremble de peine. Il n'y a plus un bruit, tout ça n'était qu'un rêve. Mais le vent claque la porte. Le vent claque la porte bien avant que tu viennes. Je cherche au fond de moi quelque chose qui me tienne. Mais le vent claque la porte. Mais le vent claque la porte et je tremble de peine. Il n'y a plus un bruit, tout ça n'était qu'un rêve. Cette envie d'ailleurs, tout ça n'était qu'un rêve. Cette odeur dans tes draps.